Donc, chez les vers de terre, on le laissa descendre. La haine s'éteignit comme toute rumeur. On finit par laisser tranquille ce dormeur, et tu t'en emparas, profonde pourriture. Ce jouet des vivants tomba dans l'ouverture de l'inconnu. Silence, ombre où s'épanouit la grande paix sinistre éparse dans la nuit. Et l'herbe, ce linceul, l'oubli, ce crépuscule, eurent vite effacé ce tombeau ridicule. L'oubli, c'est la fin morne. On oublia le nom, l'homme, tout. Ce rêveur digne du cabanon, ces calculs poursuivant dans leur vagabondage, des astres qui n'ont point d'orbite et n'ont point d'âge, ces soleils à travers les chiffres aperçus. Et la ronce se mit à pousser là-dessus.